Ma sœur Claudine. Прослушайте текст и скажите, почему отец оплачивает астрономические счета за пользование телефоном. Je m'appelle Étienne Pascal. J'ai une grande sœur, Claudine. Elle est vieille. Elle a 22 ans. Elle est gentille et tout ça, mais elle a beaucoup d'amis et elle leur téléphone toutes les 5 minutes. Mon frère et moi, nous n'avons pas le droit de téléphoner. Mais Claudine, elle, elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle téléphone toute la journée. Elle téléphone à Brigitte pour lui dire qu'elle est amoureuse de Luc. Il a une nouvelle voiture. Puis elle téléphone à Luc pour lui poser des questions ridicules. Puis elle retéléphone à Brigitte pour lui raconter leur conversation. Et papa ne comprend pas pourquoi il a des notes de téléphone astronomiques.